soccorso. L'accroche-oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à l'accroche-oreille, l'émission consacrée à l'expérimentation sonore et aux musiques merveilleuses. Heureux de vous retrouver ce soir pour une prochaine heure d'expérimentation musicale et sonore. L'artiste que je vous présente ce soir s'appelle Marja Ahti. Elle vit et travaille à Turku en Finlande depuis une dizaine d'années. Elle est cependant originaire de Suède. Elle a passé son enfance dans une petite ville balnéaire du Nord. Elle a joué un peu de guitare et du saxo pour entreprendre des études littéraires qui vont grandement influencer sa démarche artistique. C'est d'ailleurs au terme de ses études littéraires qu'elle reprend la composition et l'expérimentation sonore et musicale. Marja Ahti s'est longtemps manifestée artistiquement sous le surnom de Tsembla, et ce n'est que depuis quelques années qu'elle crée sous son propre nom. Ahti a présenté ses œuvres à travers l'Europe et au Japon et aux États-Unis. Sa démarche, elle combine des sonorités électroniques et des sons enregistrés sur le terrain afin de trouver, dit-elle, ces moments privilégiés où les sons commence à muter et à communiquer entre eux. Marja Ahti crée des ensembles sonores qui se transforment, se déplacent, créant des harmonies déformées, parfois rugueuses, mais particulièrement riches en détails sonores. Je vous présente donc ce soir des extraits de trois magnifiques albums qu'elle a réalisés depuis 2018, des albums qui sont dotés de fort belles personnalités sonores, vous le verrez. Et je débute ça avec un premier titre, c'est tiré de l'album intitulé The Current Inside, un album lancé en 2020 et dont je vous parle plus avant dans les prochaines minutes. Alors voilà, on écoutait la pièce Lost Lake, Lac perdu, inspirée, dit-on, d'enregistrements en gros plan, d'environnements hivernaux, une pièce tirée de l'album de Current Inside. C'est le tout récent album de Marja Hatti, inspiré par l'idée des courants, se connecter et animer des mouvements sonores comme s'il s'agissait d'animer de l'air, de l'eau, de l'électricité. Elle dit « J'aborde le son comme un médium poétique, se concentrant à la fois sur l'expérience du son conjuguée à une trame vaguement narrative, suggérant une énigme sur les relations entre les sons. » Elle met en œuvre des réglages alternatifs et intuitifs, nourrissant tout ça de sonos analogiques et numériques, de gros plans acoustiques, d'objets en mouvement et enfin d'enregistrements d'espace et de flux sonores comme les champs électromagnétiques. Pour s'en convaincre, ben on écoute une pièce tirée de l'album The Current Inside encore, ça s'intitule Sundial, cadran solaire si vous préférez. On raconte que cette pièce, cadran solaire, pourrait bien évoquer les effets de la rotation de la Terre sur l'allure que prennent parfois les sonorités de la vie quotidienne, parfois perçant, d'autres fois suspendues. Vous êtes sur les ondes, c'est KRL, c'est La Croche-Oreille. On vient d'entendre une autre pièce tirée du dernier album de Marja Hatti, dont sa première moitié est composée d'une pièce au long cours intitulée « The Altitudes ». C'est une pièce commandée par INA GRM pour les événements Présence électronique en France et Sonic Arts à Amsterdam. La création de Marja s'inspire des multiples couches de l'atmosphère qui enveloppe la Terre, évoquant un mouvement à travers ces couches d'air. La pièce se développe assez lentement, vous verrez, prenant graduellement de l'intensité, entremêlant sons concrets et sonorités électroniques étroitement accordées. En parcourant les altitudes, un paysage d'éléments enchevêtrés, de masse et de courant émerge, dit-on dans la documentation. The Altitudes est une pièce d'une vingtaine de minutes dont je vous propose ce soir un large extrait. Thank you. Eh bien, on vient d'entendre The Altitude, c'est tiré de l'album de Current Inside. Ça complète la première demi de l'émission autour des derniers travaux sonores de l'artiste d'origine suédo-finlandaise Marja Hatti. Alors, restez avec moi, on est de retour après un bref battement promotionnel. CKRL. La croche oreille. Voilà, on est de retour, c'est la croche-oreille, dernier droit d'ici 22 heures autour des œuvres sonores de l'artiste Marja Hatti. Je vous rappelle, comme à l'habitude, vous retrouverez la liste des pièces entendues ainsi que l'intégrale de toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Alors, on poursuit cette brève, trop brève incursion dans l'univers sonore de Marja Hatti. Elle est née au début des années 80. C'est une musicienne, compositrice, artiste sonore suédo-finlandaise qui vit et travaille depuis plusieurs années maintenant à Turku en Finlande. Hatti travaille avec des enregistrements de terrain et d'autres matériaux sonores acoustiques combinés à des synthétiseurs et des boucles électroniques afin de trouver, dit-elle, ces zones mystérieuses où les sons arrivent à communiquer entre eux. Elle compose des vagues d'harmonie qui se déforment lentement et dont les textures sont en constante mutation. Quand on demande à Marja Hatti ce qui l'inspire dans l'univers sonore, elle prend plaisir à évoquer la littérature, la musique, la science, les mythes et de nombreux artistes sonores qui l'environnent. On pense à Eliane Radzig, Luc Ferrari, Monique Darge, Anea Lockwood, Henning Christiansen. Elle aimerait, dit-elle, explorer le son des volcans, ces univers fascinants qui oscillent entre la mythologie et la science. Alors, dans cette veine, je vous propose qu'on écoute un extrait d'une création intitulée Entering Cloud, Entrée dans le nuage, un travail plein de subtilités sonores, une belle construction, un peu romantique, une construction inspirée par les courants ascendants et descendants qui parcourent l'atmosphère au-dessus des volcans. Thank you. Alors voilà, on vient d'entendre Entering Cloud, Entrer dans le nuage de Marja Hadzi. Alors Marja, elle a produit un très bel album en 2019. C'est un album au titre mystérieux, Vegetal Negative. Il est inspiré, cet album, d'un texte écrit par l'écrivain français René Daumal, qui va flirter, on le sait, avec l'univers des pataphysiciens, inspiré notamment par le célèbre Alfred de Jarry. C'est un texte intitulé Traité de pataphotogramme qui va conduire la création de Vegetal Negative. Ce texte de Daumal qui décrit de quelle manière tout animal se trouve à reproduire une forme végétale. Et là, j'ouvre les guillemets. Déplions l'animal en dehors. Deux points. Les branches deviendront un feuillage touffu, conservant sa fonction respiratoire. Le système digestif deviendra racine en conservant son rôle de puiser la nourriture dans le milieu extérieur. Je referme les guillemets. Pour chaque forme animale, il existerait donc, selon le pataphysicien, une forme végétale correspondante. L'homme qui trouverait son négatif végétal et s'unirait à lui rétablirait l'intégrité du cosmos. Bon, c'est un peu métaphysique, mais voilà, c'est à partir de ce texte que Vegetal Negative est devenu un jeu de mutations sonores, de mimétisme, d'inversion et d'association inspirée de cet essai quasi mythique maintenant de René Daumal, un essai de transformation des formes naturelles par l'imagination poétique et sonore. Alors, on écoute le segment numéro 5, Symbiogenesis, de cet album de Marja Hadzi qui s'intitule Vegetal Negatives. On vient d'entendre Symbiogenèse, c'est tiré de l'album Végétal Négatif de Marja Hatti. À propos de ce projet, Marja a livré quelques pistes de réflexion dans une interview qu'elle accordait en 2019 au magazine Tone Glow. Et là, j'ouvre les guillemets. « Je pense, dit-elle, que le travail de Daumal est inspirant parce qu'il donne du sens à la quête métaphysique. Il en fait un jeu sérieux. Ce genre de jeu est une attitude que j'apprécie également en musique. Mais j'ai travaillé avec cet extrait de René Daumal, surtout en raison du fait qu'il coïncide avec les tensions qu'on observe à propos des théories écologiques contemporaines et de la pensée post-humaniste. Des catégories déstabilisantes à même qu'elle vise la compréhension de phénomènes interdépendants, changeants et parfois un peu vagues. Cela dit, l'idée générale était là au début du projet, puis le développement de la composition s'est fait intuitivement petit à petit. C'est Luc Ferrari, dit-elle, qui raconte à propos de l'enregistrement qu'il fallait avoir un concept fort au début, puis qu'il fallait l'oublier. Ce qui est une bonne idée, je crois. Alors, on écoute cette fois le morceau d'ouverture de l'album. Ça s'intitule « Coastal Inversion », parce qu'on passe, dit-on, d'un paysage marin apparemment familier à un océan de motifs ressemblant à des vagues, tout ça se retournant sur le rivage avant de replonger dans un océan de résonance. Voilà, ainsi s'achève l'émission pour ce soir sur les ondes de CKRL de 89.1 en compagnie de l'artiste Marja Hatti et de ses principaux travaux réunis autour des albums Vegetal Negative, Entering Cloud et The Current Inside, des albums que vous pourrez acquérir ou réécouter sur les plateformes SoundCloud, Bandcamp, YouTube, ainsi que sur le site internet de Marja Hatti. Grand merci à Marja de nous avoir permis de diffuser ses œuvres et je lui fais mes salutations amicales du Québec. Alors, vous trouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille. Quant à moi, je vous reviens la semaine prochaine sur les ondes de CKRL. En attendant, restez attentifs aux sonorités autour de vous. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. Cette émission est disponible en balado-diffusion.